واه ديان تاعو بيشو شيفاس فريستايل نمبر 8. اه سلام لا بس خويا au bon char, j'ai visé à la veste mouillée. J'ai pas besoin de montrer que je suis le best ou pas. Comme toi, par la police dans la tête fouillée. Tu sais qu'on fait peu la fête au fait. Y'a les bacs qui font des feintes, oh non. Faut qu'on prenne l'avion juste pour festoyer. On des soucis et des yankees qui se mettent à perdre, oh yes. L'ITB canins guerre, c'est la vida. T'as paniqué le délire, fais une vidange. Chez nous on dit jamais que l'alcool devient vital. On sonne comme des jetons l'an de mener une vidange. On se voit dans le mur, silago, cappuccino. On dit quoi, trop cigari au mochino. Ou dans la tête avec la capuchigo. Robe renoie dans le pâle qui bosse en mode China. Eh c'est pas la fête, j'en sors trois. Et me dit qui veut celui du milieu. Comme d'hab, j'suis sous diagonia. J'suis qu'une abeille en recherche de miel. J'ai mal à la tête, on peut vouloir mon bien que me faire du mal. Y'a rien pour vous, vous êtes malade. J'vends le shit sur des recharges de 1000. Comme d'hab, j'suis sous Jaconia. J'suis qu'une abeille en recherche de miel. Y'a rien pour vous, vous êtes malade. J'vends le shit sur des recharges de 1000. Et puis me tire-t'es que t'as barreau dans Piwi. Fais-toi pas chasser par TDM. Vodka se mélange au kiwi, bourré on entame la VPN. Souvent tu te demandes c'est qui lui, tu ne me vois pas sur MCM. Mani t'inquiète pas, je fais la jeep, je cartonne comme l'époque BPM. En vrai je tiens la sacoche impeccable. Argent facile gros on aime beaucoup. Y'a des scooters MBK et Pepep crie à l'arrêt gros faut que ça tienne le coup. Freestyle carré à la tienne le coup. On se montre pas t'inquiète, on écoule et tout. Je veux pas de mytho, cagoulé, incognito. Bouteille pour apéro, j'écoule le tout. Écoute les sons poteaux, wesh tes souris tu. J'te respecte même si tu dis qu'ils sont pétés. Ayant qu'il me reconnaît, me dit tes souris tu. Trop cool, tu pètes la niaque même sur un son d'été. Cramé dans la loque, on mange une salamande. J'ai mal au ventre, je viens finir un mélange à la pêche. Recherche la vodka, du shot à la pomme. On ne crache que du fait poteau, viens suicide à la mèche. Comme d'hab, j'suis sous Jaconia. J'suis qu'une abeille en recherche de miel. Y'a rien pour vous, vous êtes malade. J'vends le chèque sur des recharges de mille. Ouah, la famille, ça fait plaisir, restez branché. L'album il arrive d'ici peu. Chanson membre 77 400 DM. Y'a rien pour vous, vous êtes malade. J'vends le shit sur des recharges de mille.